Pandnamai, ou le livre des conseils de Ferid et Dinatar. Chapitre 28. De quatre choses qu'il ne faut pas mépriser. Quatre choses sont d'une grande importance et dignes d'attention, quoiqu'elles semblent faibles et petites: un ennemi, le feu, une indisposition qui produit un malaise, la science enfin, qui est l'ornement de l'homme. Que ces quatre choses ne te semblent jamais petites et méprisables. Celui qui méprise son ennemi sera contraint quelques jours de fuir devant lui. Une étincelle de feu suffit pour embraser un monde entier. Ne méprise pas la science, même lorsqu'elle est petite, car la science est d'un prix infini. Ne néglige point une légère incommodité, travaille à y apporter remède, autrement elle acquérera des forces, et tu te verras dans l'impuissance de la guérir. Si l'on ne travaille pas à guérir un léger mal de tête dans son commencement, il est à craindre que le tempérament ne finisse par s'altérer. Tiens-toi en garde contre les discours de ton ennemi, avant que tu sois renversé. Un peu d'eau suffit pour éteindre le feu, lorsqu'il est encore faible, mais malheur à celui qui attend que la flamme soit allumée. Quiconque, dit Saadi, méprise un ennemi faible, ressemble à celui qui néglige un peu de feu. Vers. Éteins le feu, aujourd'hui que tu le peux, car, lorsque la flamme s'est une fois élevée, l'incendie embrase le monde. Ne laisse pas à ton ennemi le temps de bander son arc, quand tu peux le percer d'une flèche. Chapitre 29. De quatre choses qui en produisent quatre autres. Quatre choses, ô mon fils, sont toujours accompagnées de quatre autres, chez celui en qui elles se trouvent. Les querelles produisent le déshonneur, le repentir suit la colère, sans apporter aucun remède au mal qu'elle a fait. L'orgueil donne infailliblement naissance aux inimitiés. L'avilissement naît de l'indolence. Dès qu'un esprit de contention s'élève au milieu d'une société, son influence fâcheuse attire le déshonneur sur les hommes. L'insensé qui donne un libre cours à sa colère n'en retire d'autre fruit que le repentir. L'orgueil qui lève fièrement la tête se fait enfin des ennemis de ses amis même. Celui qui s'est fait une habitude d'une vie molle s'attire certainement la honte et l'opprobre. C'est une hache tranchante qui tombera sur son pied. Des regrets et un repentir amer accableront l'homme qui ne sait point réprimer sa colère. Celui qui se déshonore par l'indolence mérite de recevoir un soufflet sur le visage. Quiconque entretient son corps dans la mollesse et n'est occupé que du soin de le satisfaire n'est point un homme. Il est au-dessous du bœuf et de l'âne. Les persans disent quatre un persan. Le brave n'est point celui qui dans la lutte renverse un autre brave. Le vrai brave est celui qui, au moment de la colère, triomphe de sa passion et s'en rend maître. Chapitre 30. De quatre choses qui sont de peu de durée. Quatre choses sont de peu de durée. Homme religieux et aimable, apprends de moi quelles elles sont. La tyrannie d'un prince ne peut se maintenir longtemps, viennent ensuite les réprimands d'un ami, qui ont quelque chose de bon. L'amour que les femmes témoignent est aussi d'une courte durée, ainsi que la société avec les hommes grossiers. Quand un prince maltraite ses sujets, il ne demeure pas longtemps en possession de la royauté. Les réprimandes qui viennent d'un ami font une impression passagère, comme la ligne tracée sur la surface de l'onde. Quoiqu'une femme paraisse éprise d'un véritable amour, si les dons de son amant diminuent, elle ne tarde pas à ouvrir la bouche contre lui. Celui qui fait société avec des gens d'une condition vile, verra que cette union n'a point de solidité, le corbeau, pour lequel l'odeur de la rose n'a point de charme, ne fuit-il pas la compagnie du rossignol? La société des hommes malhonnêtes est un lieu de péril pour l'âme, c'est une vérité universellement reconnue. Mon fils, si tu aperçois un homme de cette espèce, éloigne-toi de lui avec la vitesse du vent. Saadi a dit dans son admirable Gulistan, l'homme qui fait son métier de l'injustice, ne régnera point, car jamais les fonctions de berger ne seront exercées par le loup. Le roi qui jette le fondement de la tyrannie, creuse lui-même au pied de la muraille de sa puissance, pour la renverser. Je citerai, seulement à cause de sa singularité, un passage du Boustan de Saadi. J'aime beaucoup cette conversation de deux hommes que leur femme avait rendu presque fou. Plus à Dieu, disait l'un, qu'aucun homme n'eût une méchante femme. Ah, plutôt, reprit l'autre, Dieu veuille qu'il n'y ait plus de femmes dans le monde. Mon ami, change de femme à chaque printemps, et contracte une nouvelle union. L'almanach de l'année dernière ne saurait être bon à rien. L'auteur de l'Envarisoïde dit, en parlant des réprimands d'un ami, les reproches sont les dons des amis, en effet, les reproches affermissent les fondements de l'édifice de la société, et consolident la base de l'amitié et de la familiarité. Vers. Les caresses viendront de toi, et de moi les reproches, on ne saurait former une véritable amitié sans caresses et sans reproches. Chapitre 31. De quatre choses qui reçoivent leur perfection de quatre autres. Il y a quatre choses qui tirent leur perfection de quatre autres, lorsque tu les auras apprises, jeune homme, conserve-en le souvenir. La science reçoit sa perfection du discernement, la bonne intention de l'exécution, la piété n'est parfaite que par la tempérance, et la reconnaissance met le comble au bienfait du Très-Haut. La science reçoit du discernement un mérite infini, personne n'aura égard à ta bonne intention, si elle demeure sans exécution. Les bienfaits du Seigneur reçoivent de l'action de grâce une grande perfection, quiconque néglige la reconnaissance, trouve dans son ingratitude un grand châtiment. L'ingratitude tarit la source des grâces, les dons les plus parfaits sont le partage de l'homme reconnaissant. La science sans le jugement n'est bonne à rien. Il n'est pas bon de s'asseoir avec des hommes privés de jugement. Sans le discernement, la science n'est qu'une source de maux, la science, mon fils, est l'oiseau, les ailes sont le discernement. Quiconque possède la science et ne s'en sert point pour régler sa conduite, est égaré hors des sentiers de la sagesse. Par la reconnaissance, dit le scoliaste turc, il faut entendre la fidélité à faire servir chacun des membres de son corps, à l'usage pour lequel il a été créé. J'ai prié un savant, dit Saadi, de me donner un conseil, garde-toi, m'a-t-il répondu, de faire société avec un ignorant, car si tu es sage, tu deviendras un âne, et si tu es ignorant, ta sottise prendra un nouvel accroissement. Gulistan, livre 8. Chapitre 32. De quatre choses qu'il est impossible de recouvrer, quand on les a perdues. Il est quatre choses que l'on ne peut ramener, lorsqu'une fois elles sont échappées. De ce nombre est une parole que la langue a proférée sans réflexion, et la flèche partie de dessus l'arc. Comment rappeler la parole, lorsqu'elle est prononcée, il n'est pas moins impossible de révoquer les arrêts du destin. Comment retenir une flèche, quand elle est lancée? Ainsi ne peut-on rentrer en possession de la vie, lorsqu'on l'a perdu. Quiconque ne réfléchit point sur ses paroles avant de les prononcer, se prépare une source abondante de repentir. Tant que la parole n'est point sortie de ta bouche, tu peux encore la prononcer, mais si tu l'as proférée, comment pourras-tu la retenir dans le secret? Regarde chacun des instants de ta vie comme un bien inespéré que l'occasion te présente, une fois échappé, il sera perdu pour toi sans retour. Aucun homme n'a jamais pu éloigner de lui le destin, quiconque s'est soumis volontairement à ses décrets, n'a pas fait une folie. Celui qui désire vivre en paix et sans inquiétude, doit mettre un sceau sur sa bouche. Si tu fais cas de la vie comme d'un bien précieux, tu agis sagement, quand elle sera passée, jamais tu ne la reverras. Je ne puis m'empêcher de citer un quatrain sur le destin, tiré de l'Anvari Sohaili. Le destin a une main divisée en 5 doigts, il soumet infailliblement un homme à ses volontés, il lui pose 2 doigts sur les yeux, 2 sur les oreilles, et, lui mettant le 5e sur les lèvres, il lui dit « Tais-toi ». On trouve dans le Boustan de Saadi l'apologue suivant, sur la nécessité de se soumettre au destin. Un vieux derviche du pays de Quiche, qui avait une femme excessivement laide, lui donna un jour ses sages avis. « Puisque, lui dit-il, la main du destin, en te pétrissant, t'a donné en partage la laideur. Garde-toi de couvrir tes traits difformes d'une pâle couleur de rose. Peut-on espérer de conquérir le bonheur par la force et malgré le destin? Qui pourra, au moyen d'un collier, rendre la vue à un aveugle? Jamais on ne verra celui qui a reçu de la nature un méchant naturel, faire de bonnes actions, pas plus que les chiens faits pour déchirer, ne seront propres à exercer le métier de tailleur. Tous les philosophes des Grecs et de Rome ne sauraient tirer du miel de l'arbre infernal. Verra-t-on la bête sauvage devenir un homme? L'éducation qu'on lui donnera sera en pure perte. On peut bien enlever la rouille qui ternit un miroir, jamais d'une pierre on ne fera un miroir. Quelques efforts que l'on fasse, la rose ne naîtra point sur le rameau du saule, les eaux du bain ne blanchiront point la peau de l'Éthiopien. Puis donc on ne saurait repousser la flèche lancée par la main du destin, la résignation est le seul bouclier qui convienne aux faibles mortels. Chapitre 33. De 4 choses qui sont les fruits de 4 autres. 4 choses sont les fruits de 4 autres, mon ami, n'oublie point cette instruction. Celui qui pratique le silence, jouit d'une tranquillité parfaite et ne redoute personne en ce monde. La libéralité mène à l'élévation et aux dignités, la reconnaissance mérite de plus grands bienfaits. Si tu désires vivre en paix et tranquille, exerce-toi au silence, celui qui ne répand que des bienfaits, est aussi à l'abri de toute crainte. L'homme silencieux a les épaules couvertes du manteau de la sécurité, veux-tu vivre en paix et sans inquiétude? Va, fais du bien à tes semblables, quiconque s'est fait une habitude de la bienfaisance et de la générosité, est respecté et honoré au milieu de ses concitoyens. Le bien ou le mal que fait un homme, c'est à lui-même qu'il le fait. Mon frère, consacre-toi tout entier au service du Seigneur, exerce, suivant ton pouvoir, la libéralité et la bienfaisance. Garde-toi de te laisser dominer par l'avarice, afin que tu ne sois pas brûlé par les flammes de l'enfer. Chapitre 34. De 4 choses qui naissent de 4 autres. Il est 4 choses qui naissent de 4 autres, les hommes sensés sont seuls capables d'entendre cet avis. Quiconque est sujet à ces quatre défauts en éprouvera, malgré lui, les suites funestes. Celui qui ne considère pas la fin de ses entreprises sera un jour en proie au repentir. L'homme qui n'examine point scrupuleusement toutes ses démarches aura le cœur accablé sous le poids des chagrins. Quiconque dispute contre un prince ruine sa fortune de fond en comble, et celui qui résiste aux volontés du roi n'aura que des jours malheureux et obscurcis comme les ténèbres de la nuit. L'homme qui, par un effet de son mauvais caractère, se rend insupportable à ses semblables, mettra en fuite tous ses amis. Saadi a dit dans le Gulistan, chercher un avis contraire à celui du sultan, c'est se laver les mains dans son propre sang. Si même, au milieu du jour, il lui plaisait de soutenir qu'il fait nuit, il faudrait dire, voilà en effet la lune et les Pléiades. Suivant le même moraliste, il n'est guère plus sûr de donner des avis au roi. Celui-là seul peut donner des avis au roi, qui ne craint pas d'exposer sa tête et qui n'ambitionne point d'amasser de l'or. Chapitre 35. De quatre choses qui causent la ruine d'un homme. Il y a quatre choses qui sont funestes à l'homme et causent sa perte. Serviteur de Dieu, apprends de moi à les connaître, un grand nombre d'ennemis, une multitude de dettes, un travail démesuré, une famille nombreuse. Malheur à celui qui est noyé de dettes. Chaque fois qu'il respire, son chagrin le suffoque, et il avale son propre sang. Si un homme a un grand nombre d'ennemis, ses yeux obscurcis se couvriront de ténèbres. Celui qui est surchargé d'affaires consumera sa vie en gémissements inutiles. Chapitre 36. De quatre espèces de défauts. Quatre choses, ô mon fils, ne sont pas exemptes de fautes, prête-moi l'oreille, je te les exposerai l'une après l'autre. La première est de compter sur la fidélité des femmes. La simplicité du cœur est encore une source de fautes sans nombre. Une autre faute aussi dangereuse est de ne point se tenir en garde contre les pièges des méchants, mais la société des jeunes gens est pire que tout cela. Chapitre 37. De quatre choses qui sont des dons de Dieu. Il y a quatre vertus qui sont des grâces du Très-Haut, fidèle. Souviens-toi de ce que je vais te dire. La première est de s'acquitter des préceptes de la loi de Dieu, la seconde est de satisfaire ceux dont on a reçu la naissance. Quelle est la troisième? C'est de combattre Satan, la dernière est de faire du bien aux malheureux. On rapporte de Mahomet cette parole, le paradis est sous les pieds des mères, c'est-à-dire qu'ils dépendent d'elles, en quelque sorte, d'en accorder ou d'en interdire l'entrée à leurs enfants, et que, pour l'obtenir, il faut se rendre digne de leur bénédiction. Un poète a dit, en conséquence, « Ne retire jamais la tête de dessous la main de ta mère, car la poussière du chemin que les mères foulent aux pieds, est le diadème de la tête des enfants. » Sois poussière sous les pieds de ta mère, car le paradis sera au lieu où reposeront ses pieds. Chapitre 38. De quatre choses qui contribuent à la prolongation de la vie. Quatre choses contribuent à prolonger les jours de l'homme, enfant chéri, écoute mon conseil. Satisfaire l'oreille par des sons agréables. Reposer ses yeux sur les charmes d'une beauté comparable à l'astre de la nuit, être tranquille et sans inquiétude pour ses richesses et pour sa vie, ces trois choses prolongent les jours de l'homme. Celui-là jouit du même avantage, qui voit toutes ses entreprises réussir au gré de ses désirs. Un écrivain juif a dit, Il y a trois choses qui prolongent les jours de l'homme, une belle femme, de beaux meubles et une belle maison. Florilège hébraïque page 290. Markem d'anarchive.org 2021 d'après Gallica BNF FR et Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial partage à l'identique.